Chapitre 18. La girouette. Ophélie gravit en toute hâte l'escalier des thermes. Qui avait déposé ce message pour elle? Un simple coursier lui assura la responsable de l'accueil, et il n'avait donné aucune indication sur sa provenance, aucune mademoiselle. Sans prendre le temps de repasser par le vestiaire, Ophélie glissa la lettre sous son gant et courut à l'hôtel. Elle devait parler à Bérénilde uniquement. Elle seule comprendrait la situation. Dans sa précipitation, Ophélie se cogna le nez, les genoux et le dos à l'intérieur de la porte à tambour de l'hôtel. Elle passa devant les présentoirs et les guichets du grand hall. En plus de faire office de réception pour les curistes, le rez-de-chaussée servait aussi d'administration municipale, de centrale électrique, de bureau postal, de relais téléphonique, de dépôt de gazettes et même à l'occasion de quincaillerie. Il y avait toujours du monde et plusieurs ouvriers haussèrent les sourcils au passage d'Ophélie. Elle était si perturbée par ce courrier qu'elle avait oublié qu'elle déambulait encore en costume de bain. « Eh bien, eh bien, eh bien !» roucoula une voix rauque. « Vous n'êtes pas aussi prude que vous en avez l'air, ma colombe !» Avec un coup au cœur, Ophélie respira le puissant parfum de Cunégonde avant même de la voir. La Mirage se tenait au comptoir de la réception, occupée à remplir le registre de l'hôtel. Sous son habituelle voile à pendeloque dorée, elle n'avait pas très bonne mine malgré le maquillage. « Que faites-vous au sable d'opale ?» demanda Ophélie sur la défensive. Elle se sentait incapable de politesse. « Maladie professionnelle !» soupira Cunégonde. « Je manipule des illusions à longueur de temps, et leurs effets ne sont pas très heureux sur les nerfs. J'en connais qui prétendent venir ici pour leur rhumatisme. La vérité, dit-elle en rendant son registre au réceptionniste, c'est qu'ils sont là pour se désintoxiquer l'esprit, bien à l'abri des regards. » Ophélie devait admettre qu'en dehors de Bérénilde et des sœurs d'Archibald, les rares nobles qu'elle croisait ici avaient des figures moites d'opiomanes. « On ne parle plus que de vous à la cour depuis la scène mémorable que vous a faite notre Seigneur, » poursuivit Cunégonde sur le ton de la confidence. « Il s'est amouraché de vous, ma colombe. Quand vous retournerez là-bas, soyez prête à affronter l'enfer. » En entendant ces mots, Ophélie put presque sentir la lettre lui brûler la main. Elle était sur le point de demander à Cunégonde si elle n'en était pas l'auteur, lorsqu'un vacarme la coupa en plein élan. Le bagagiste, trop zélé, avait empoigné son grand sac en tapisserie sans remarquer qu'elle ne l'avait pas fermé. Il déversa sur le tapis une quantité impressionnante de sablier bleu. Maladroit ! Siffla Cunégonde entre ses dents en jetant des coups d'œil furtifs autour d'elle, ses pendeloques s'entrechoquant comme des carillons. « Rangez-moi ça immédiatement, et faites attention à ne pas en découpiller un seul, surtout !» Le bagagiste s'empressait de remettre tous les sabliers dans le sac, se répandant encore et encore en excuses. Ophélie ne savait pas ce qui la surprenait le plus, que Cunégonde perdît son calme ou qu'elle fût en possession de tous ses sabliers. Pour quelqu'un qui était censé se désintoxiquer des illusions, c'était inattendu. « Je sais, ma colombe, cette collection peut vous paraître quelque peu incongrue, mais elle est à usage strictement professionnel. Les sabliers bleus de cette chère Hildegarde font une telle concurrence à mes délices érotiques. Je serais mal avisé de ne pas me documenter, pour le dire ainsi. Avez-vous bientôt fini de ranger ces sabliers ?» s'impatienta Cunégonde en s'adressant au bagagiste. « Ah, mes imaginoires se portent bien mal, ma colombe !» ronronna-t-elle en revenant à Ophélie. « Un critique d'art m'a accusé de faire des illusions bas de gamme. Rendez-vous compte, avez-vous déjà entendu parler des bulles de confusion ?»« Non. » Ophélie ne comprenait pas pourquoi Cunégonde se confiait ainsi à elle. Depuis qu'elle avait refusé son offre au jardin de loi, elle l'avait toujours traitée comme une ennemie. « Ce sont des illusions qui produisent exactement le même effet qu'une ivresse alcoolique. Voilà À quoi ce détestable critique a comparé ma toute dernière création, mon paradis des sens, mon palais des plaisirs, classé dans la même catégorie qu'un mauvais vin de table. J'ai terminé, madame, dit le bagagiste en fermant bien le sac cette fois. Que madame veuille bien me suivre, je vais la conduire jusqu'à sa chambre. Je vous le demande comme une faveur. Gardez tout cela pour vous, chuchota Cunégonde à Ophélie avec de grands battements de cils. Je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que je suis désespéré au point de me réfugier dans les illusions de ma plus grande concurrente. Ophélie opina de la tête. En vérité, elle était trop préoccupée par sa lettre pour s'intéresser à ces histoires. Elle ne put pourtant s'empêcher de ressentir une certaine pitié tandis qu'elle observait Cunégonde se dirigeait pesamment vers l'escalier de l'hôtel en faisant tintinabuler les pendeloques dorées de son voile. « Excusez-moi, » dit Ophélie en se hissant sur la pointe des pieds vers le comptoir de la réception. « Je cherche Madame Bérénilde. »« Voilà qui tombe bien, » répondit le réceptionniste. « Madame Bérénilde vous cherche également. »« Ah bon? Et vous savez où je peux la trouver ?»« Elle est en promenade avec votre sœur. » Mais elle sera bientôt rentrée. Elle m'a chargé de vous demander de l'attendre ici. » Ophélie s'assit sur l'une des banquettes inconfortables du hall de l'hôtel, curieuse de découvrir ce que Bérénilde avait elle-même soudain à lui dire. Elle feuilleta le journal que quelqu'un avait oublié là. Ce n'était qu'une gazette locale qui n'avait pas le prestige du Nibelungen, mais elle permettrait à Ophélie de tromper son impatience. Elle écarquilla les yeux en tombant entre deux potins de cour sur une photographie de Thorn. Le livre du seigneur Farouk n'aura bientôt plus aucun secret pour cet homme, annonçait l'article en gros caractères. Monsieur notre intendant, actuellement en tournée d'inspection dans nos provinces, a toujours été avare en confidence. Il s'est pourtant montré exceptionnellement loquace quand nous l'avons interrogé hier sur les actualités de la cour. Si monsieur l'intendant a éludé certains sujets épineux, tels que les enjeux des états familiaux qui se tiendront ce 1er août, ou encore ces enlèvements préoccupants qui semblent affecter le clan des Mirages, il n'a pas fait mystère du rôle capital qu'il jouerait bientôt auprès du seigneur Farouk. Il est de notoriété publique que notre seigneur accorde une importance fondamentale à son livre, une pièce de collection unique, indéchiffrée à ce jour. Nos plus anciens lecteurs se souviendront peut-être des précédentes tentatives pour décrypter ce document énigmatique, tentatives qui se sont toujours soldées par des échecs. Je réussirai là où tous les autres ont échoué, nous a pourtant déclaré M. Thorn très sûr de lui. Son mariage avec une animiste ce 3 août serait la clé de voûte de cette ambitieuse entreprise, mais M. l'intendant n'a pas tenu à s'étendre sur ce point de détail, comme il l'appelle lui-même. « Affaire à suivre, donc. » Ophélie n'en croyait pas ses lunettes. Pourquoi Thorn lui avait-il ordonné de ne pas parler du livre autour d'elle s'il s'en vantait lui-même devant la presse? Heureusement qu'aucun membre de sa famille n'avait lu cet article. Cela lui aurait valu tout un tas de questions embarrassantes. Elle était en train de se faire cette réflexion quand elle aperçut l'énorme robe pourpre de sa mère en pleine discussion avec la rapporteuse d'Anima. Ophélie se réfugia aussitôt derrière sa gazette, en veillant à bien cacher la photographie de Thorn. Vous pourriez au moins souligner l'absence de cet homme qui a la prétention de devenir mon gendre, s'écria sa mère. Il est censé épouser ma fille dans 5 jours, et il nous laisse sur les bras tous les préparatifs du mariage. Si ça, ce n'est pas un monde. Voyons, ma petite Sophie. Madame Bérénilde nous a expliqué que c'était indépendant de sa volonté. Ce garçon a un travail important, je n'ai aucune raison d'émettre des réserves à son sujet. La rapporteuse n'était pas ce qu'on pouvait appeler une vieille dame, mais elle s'adressait à chacun et chacune comme si elle était entourée d'enfants inexpérimentés. Elle mettait un point d'honneur à endosser les mêmes toilettes noires et les mêmes besicles dorées que les doyennes d'Anima, bien qu'elle n'en eût pas le titre. En revanche, le chapeau qu'elle portait était unique en son genre. Posé sur ses cheveux frisés comme un abat-jour, il était surmonté d'une girouette en forme de cigogne qui tournoyait en permanence. Cette girouette-là ne répondait pas au sens du vent, mais à l'animisme de sa maîtresse. Elle était aussi curieuse qu'elle et n'hésitait pas à pointer de son bec d'oiseau tout ce qui lui paraissait digne d'intérêt. Parlons-en de cette Bérénilde !» s'exclama la mère d'Ophélie. « Elle nous jette de la poudre aux yeux depuis notre arrivée, mais je ne lui fais aucune confiance. » « Nous sommes tous parfaitement bien traités, » répondit la rapporteuse en brandissant un petit papier. « Et c'est la seule chose que j'ai l'intention de dire au familles ministère. » « Il n'y a donc que moi pour voir que quelque chose cloche ici !» s'emporta la mère d'Ophélie, dont le teint devenait plus rouge que son énorme robe. « Je suis certaine que ma fille subit de mauvais traitements. Elle est si fragile et si secrète. » Dissimulée derrière son journal, Ophélie se sentit soudain honteuse. Depuis leur retrouvaille sur le quai de la gare, elle endurait la possessivité de sa mère comme un calvaire. Quelques mois hors du domicile parental l'avaient déshabituée de cette autorité qui lui coupait sans cesse la parole, choisissait ses robes à sa place et voulait toujours savoir où elle était et en quelle compagnie. À plusieurs reprises, Ophélie s'était surprise à lui tenir tête quand, naguère encore, elle se serait contentée de hausser les épaules. Au fond, elles n'avaient jamais cessé de vouloir se protéger l'une et l'autre, sans être capable de se parler. « Ce mariage ne me dit rien qui vaille !» insista sa mère pendant que la rapporteuse s'approchait du télégraphiste. « Depuis que j'ai rencontré ce malabri de M. Thorne, je prends sur moi pour ne pas m'y opposer. Peut-être les doyennes pourraient-elles réétudier la question, mener une enquête ou... »« Ma petite Sophie !» l'interrompit la rapporteuse d'une voix doucereuse. « Serais-tu en train de dicter leur conduite à nos très chères mères ?» Par-dessus son journal, Ophélie vit le gros profil de sa mère pâlir aussi vite qu'il s'était empourpré. La cigogne du chapeau de la rapporteuse avait soudain figé son bec métallique vers elle, à la façon d'un doigt accusateur. « Évidemment, non !» balbutia-t-elle comme une fillette prise en faute. « Je ne voulais pas paraître insolente, c'est juste que... »« Personne, pas même nos vénérables mères, ne peut remettre en cause ce mariage. Dois-je te rappeler, ma chère petite, que le contrat conjugal a été ratifié par Madame Artémis et Monsieur Farouk en personne ? Eux seuls ont autorité à empêcher cette alliance, et les conséquences diplomatiques seraient très fâcheuses si nos tourtereaux devaient leur fournir une seule raison d'annuler ce contrat. « Bonjour, monsieur le télégraphiste !» claironna la rapporteuse en remettant son papier au guichet. « Pourriez-vous transmettre le message suivant, je vous prie ? Le destinataire est le familistère d'Anima !» articula-t-elle très fort pour se faire comprendre du télégraphiste qui saisissait mal son accent. « Familistère d'Anima !» La mère d'Ophélie quitta le hall de l'hôtel, horriblement vexée. Si Ophélie était parvenue à se soustraire à sa vigilance, elle n'échappa plus à celle de la girouette. Cette dernière s'était brusquement tournée vers son journal et la cigogne, répondant à un mécanisme diaboliquement intelligent, se mit à becqueter le chapeau de la rapporteuse pour attirer son attention. « Tiens, tiens, tu étais là, chère petite. Peux-tu mettre cette lecture de côté un instant ? J'aimerais m'entretenir avec toi. » Comprenant qu'elle n'avait pas d'autre choix, Ophélie reposa son journal et s'approcha du guichet du télégraphiste. « En voilà une tenue inconvenante à ton âge !» soupira la rapporteuse avec un regard réprobateur pour son costume de bain. « Tu nous as écoutés avec ta mère ?»« Malgré moi. » Derrière le guichet, le télégraphiste tapotait sur le levier de son appareil avec une impassibilité toute professionnelle. « Oh oui, moi aussi je vois. » « Et j'entends beaucoup de choses, malgré moi !» ricana la rapporteuse d'un air de connivence. « Sache que je n'ai pas voulu jeter d'huile sur le feu avec ta maman, mais le fait est que je me préoccupe moi-même un peu de l'absence de ton fiancé. Sais-tu pourquoi il tarde tant à se montrer ?» Sous sa masse de cheveux frisés, taillés comme une haie, le visage de la rapporteuse avait pris une expression concernée. Ses gros yeux globuleux brillaient d'une étrange avidité, comme s'il voulait absorber les secrets les plus intimes de son interlocutrice. Et s'il y avait bien quelqu'un à qui Ophélie ne voulait rien confier, c'était cette commère. « Non, madame la rapporteuse, je ne le sais pas. » Ophélie se sentait mal à l'aise. La cigogne métallique nichée sur le chapeau ridicule de la rapporteuse n'avait pas repris son tournoiement habituel, continuant de la désigner de son bec. « Ma chère, chère petite, » soupira la rapporteuse d'une voix compatissante, « Comment puis-je faire des rapports détaillés aux doyennes si tu n'y mets pas du tien? Tu as bénéficié d'une période probatoire pour faire la connaissance de ton fiancé en douceur. Parce que nous, au familistère d'Anima, nous n'avons pas voulu te brusquer. Et pourtant, nous aurions pu le faire. Frictionnant ses bras nus, Ophélie consulta l'horloge du guichet. Il lui tardait que Bérénilde revînt de sa promenade. Elle commençait sérieusement à envisager de sortir la lettre anonyme de sous son gant et de la brandir contre le bec de la cigogne. Les doyennes ne voulaient pas la brusquer. D'autres s'en chargeraient à leur place. « J'ai bien étudié ton dossier, tu sais, avant de m'embarquer pour ce grand voyage, » enchaîna la rapporteuse avec un sourire en coin. « J'ai appris que tu avais déjà rejeté deux demandes, des cousins avec qui tu aurais pu mener une vie bien rangée si tu avais fait preuve de bonne volonté. » « Le passé, c'est le passé, » dit Ophélie. Le sourire de la rapporteuse s'accentua. « L'est-il vraiment ? Peut-être que si M. Thorne ne se trouve pas parmi nous aujourd'hui, ce n'est pas sa faute à lui. Es-tu bien certaine de faire tout le nécessaire pour lui plaire ?» demanda-t-elle en scrutant Ophélie par-dessus le cerclage de ses lunettes. « Parce que je vais te dire quelque chose, ma chère petite. Et c'est là un avertissement que les doyennes t'adressent à travers ma bouche. Si tu fais échouer ce mariage, comme tu as fait échouer les précédents, quel qu'en soit le prétexte, tu régleras seule tes comptes avec M. Farouk. Ne t'attends à aucune aide de notre part, et ne t'avise même pas de rentrer sur Anima, après nous avoir toutes déshonorées. Tu comprends ? » La rapporteuse avait déclaré cela d'une voix infiniment douce, presque peinée, comme si elle jugeait vraiment regrettable de devoir en arriver à dire des choses pareilles. De la révolte ou de la détresse, Ophélie ne sut pas quelle émotion lui tordait le plus le ventre. « Je vous accorde jusqu'au 1er août pour prendre vos dispositions », avait écrit l'auteur de la lettre. Cela lui laissait à peine 3 jours pour trouver une réponse à l'ultimatum, et elle ne savait pas vers qui se tourner. « Votre télégramme a été envoyé, madame, » annonça le guichetier. « Ça vous fera 5 couronnes. »« Que me veut ce monsieur ?» demanda la rapporteuse à Ophélie en fronçant les sourcils. « Ces étrangers ont tous un accent épouvantable. On ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent. »« Vous lui devez des couronnes pour le télégramme, » répéta Ophélie. « 5 !» insista le télégraphiste en montrant tous les doigts de sa main. « D'habitude, c'est 4, mais il y a eu un écho. Ça coûte du papier, les échos. » Le guichetier montra le ruban de papier perforé que son télégraphe avait dégorgé tout seul. « Il y en a tout le temps en ce moment, » grommela-t-il. Ça parasite les instruments. Les échos étaient des phénomènes qui provoquaient des images dédoublées sur les photographies ou des retours intempestifs d'ondes radioélectriques. Personne ne comprenait vraiment leur fonctionnement, mais tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient très agaçants. « Mettez ça sur la note de l'intendance, » proposa Ophélie au guichetier, en espérant que ses 5 couronnes ne ruineraient pas Thorne. Elle allait peut-être épouser le plus grand comptable du pôle. Les pièces et les billets constituaient à ses yeux un mystère ésotérique. Ophélie se rassit sur sa banquette alors qu'elle croyait en avoir fini avec la rapporteuse. Elle fut exaspérée de la voir prendre place à côté d'elle. Une fois que cette donneuse de leçons avait braqué sa girouette sur quelqu'un, elle ne lâchait plus prise. « Ma chère petite, je sais que les gens d'ici sont très déconcertants, » dit-elle avec un regard significatif pour le télégraphiste. Mais tu ne dois pas repousser ton fiancé sous prétexte qu'il n'est pas de notre famille. Les doyennes elles-mêmes, dans leur infinie sagesse, n'hésitent pas à ouvrir leurs portes aux influences étrangères, et c'est Anima tout entière qui en bénéficie. « Quelles influences étrangères ?» demanda Ophélie. « Je ne peux évidemment pas entrer dans les détails, » murmura la rapporteuse avec l'expression énigmatique d'une grande initiée. Ce qui se passe au Conseil des doyennes est strictement confidentiel, et même moi, toute rapporteuse que je sois, je n'y ai pas mes entrées. Pas encore. Du moins, se hâta-t-elle de nuancer. Je repasse le concours de fonction familiale dans 4 ans. Je sens que cette fois sera la bonne. Ce que je peux te dire, pour revenir au sujet qui nous occupe, c'est que nos très chères mères reçoivent occasionnellement la visite d'un étranger vraiment... » La rapporteuse parut chercher le qualificatif le plus adéquat, tandis que sa girouette pivotait de façon hésitante sur son chapeau. « D'un étranger vraiment... étrange, en fait. Je n'ai jamais vu un pouvoir familial tel que le sien. Je ne saurais même pas te dire son âge. Oh, je ne me suis pas permis d'écouter aux portes, » assura-t-elle si vivement qu'Ophélie en douta fort. « Je leur ai juste servi le thé. Mais je sais que nos chères mères accordent au conseil de cet étranger la plus grande considération. Il ne leur rend pas visite souvent, mais chaque fois qu'il le fait, elles votent une nouvelle loi familiale ou elles en abrogent une autre. Prends donc exemple sur cette belle ouverture d'esprit. » Ophélie fronça les sourcils. Promulguer des lois parce qu'un visiteur vous le conseille entre deux tasses de thé? C'était quand même un peu plus que de l'ouverture d'esprit. Ophélie avait suffisamment à penser entre ses menaces de mort et son futur mariage, mais elle ne put retenir plus longtemps le sarcasme qui lui montait à la bouche. « Je vois. C'est peut-être aussi sur le conseil d'un étranger que les doyennes ont décidé de déménager les archives, de censurer la bibliothèque et de fermer mon musée. » Les yeux globuleux de la rapporteuse s'ouvrirent si grands qu'elle ressembla l'espace d'un instant à une grenouille affublée d'une perruque frisée. « Je te trouve bien insolente et bien ingrate, ma petite. Ce musée profite, comme les archives et la bibliothèque avant lui, d'un rafraîchissement bien mérité. »« Quel rafraîchissement ?» s'inquiéta Ophélie. « J'ai toujours traité les collections avec le plus grand soin. »« Mais sans aucun discernement, » soupira la rapporteuse en tapotant ses besicles d'un air professoral. « Cela aussi, je l'ai lu dans ton dossier. » Les hommes d'avant la déchirure ont créé de véritables chefs-d'œuvre, mais ils ont également commis des atrocités. Des atrocités qu'ils ont perpétuées sous forme d'armes et de livres. Mettre ces choses sous le nez de la jeunesse, fussent-elles vieilles de plusieurs siècles, pourrait semer le germe de la guerre dans les esprits influençables. Nos très chères mères prennent la bonne décision en ne valorisant que le patrimoine sur lequel chacun doit prendre exemple. De toute façon, cela ne te concerne plus. » conclut la rapporteuse, tandis que sa girouette se détournait résolument d'Ophélie. Ophélie serra les mains à en faire grincer ses gants. Si elle s'était perfectionnée dans l'art de la lecture, c'était parce qu'elle ne s'était jamais sentie aussi proche de sa propre vérité qu'en explorant celle des objets. Le passé n'était pas toujours beau à regarder, mais les erreurs des personnes qui l'avaient précédée sur Terre étaient aussi devenues les siennes. Si Ophélie avait retenu une chose dans la vie, c'était que les erreurs étaient indispensables pour se construire. Elle se rappela soudain l'intuition qui l'avait saisie dans le téléphérique, ce dénominateur commun qu'elle avait pressenti entre les agissements des doyennes sur Anima et les menaces qui flottaient ici, au pôle, autour du livre de Farouk. Cette impression lui collait à la peau comme de la poix, sans qu'elle parvînt à formuler aucun lien de causalité entre les deux. Ophélie n'eut pas l'occasion d'approfondir la question. Une voix aiguë traversa le hall de l'hôtel comme une sirène d'alarme. « Enfin te voilà! Nous t'avons cherché partout !» Agathe trottinait entre les chariots à bagages dans un impressionnant vacarme de perles. Elle portait les mêmes colliers, la même robe aérienne, le même chapeau-cloche et le même foulard de gaz que Bérénilde, qui franchissait à son tour la porte à tambour. « Petite sœur, nous nous languissions de toi. »« Bonjour, madame la rapporteuse. Permettez-vous qu'on vous emprunte Ophélie ?» La rapporteuse ne demandait visiblement pas mieux. Elle profita de la diversion pour filer à l'arcadienne, sa girouette lui cherchant une nouvelle destination. « Ma puce, que fais-tu donc en costume de bain ici devant tout le monde ?» s'exclama Agathe, poing sur les hanches. « C'est indécent !» Au grand dam de son mari, qui la suivait partout d'un air las, en portant petit homme dans les bras, Agathe avait contracté d'étranges manières. Du jour au lendemain, elle s'était mise à détacher ses syllabes comme une actrice de théâtre et à porter de nouvelles robes. Éperdue d'admiration pour Bérénilde, Agathe essayait de se fondre dans son modèle, de s'apprêter comme elle, de s'exprimer comme elle et de se mouvoir comme elle. « À présent que nous l'avons enfin trouvée !» reprit Agathe d'une voix toute excitée. Où vouliez-vous nous emmener, madame? Allons-nous enfin à la cour? Je suis si impatiente de voir autre chose que ces rochers. » Cambrée par le poids de son ventre, Bérénilde lui adressa un sourire plein d'indulgence. « Pardonnez-moi, ma chère enfant, ce ne sera pas encore aujourd'hui. En fait, j'aimerais avoir un tête-à-tête avec votre sœur. » « Comment donc ? » dit Agathe, dépitée. « Je ne viens pas avec vous ?»« Pas cette fois. Profitez donc de votre mari et de votre petit homme, » suggéra Bérénilde avec douceur. Son regard se dépouilla de toute son onctuosité, tandis qu'elle le tournait vers Ophélie. « Enfilez un manteau.